franceinter.com. Le Nigeria va jouer sa dernière chance dans les mois à venir. C'est un citoyen de ce pays qui parle ainsi. L'un des plus prestigieux, le premier prix Nobel africain de littérature, Wole Soyinka. Et celui-ci dénumérait les signes annonciateurs de la crise. Les attaques armées dans le delta du Niger, les massacres entre communautés religieuses dans le centre du pays et enfin la vacance du pouvoir depuis plusieurs mois. Et toujours, selon l'écrivain, très engagé dans la défense des droits civiques, la colère du peuple nigérian est à son paroxysme. Si rien ne change, dit-il encore, un risque de fracture n'est pas exclu, c'est le risque que court un État défaillant. Le Nigeria, nous l'avons vu la semaine passée avec M. X, est un géant africain, le pays le plus peuplé du continent, et une incontestable puissance économique grâce à ses formidables réserves en pétrole. Mais c'est aussi un colosse au pied d'argile qui connaît depuis l'indépendance acquise en 1960 un climat de violence ininterrompu. Assassinats politiques, coups d'État et tueries collectives n'ont cessé de jalonner l'histoire récente du Nigeria sur fond de corruption généralisée. Il faut ajouter que cette ancienne colonie britannique est un pays profondément divisé, où coexistent tant bien que mal quelques 250 ethnies. Division aussi en matière de religion. Le Nord est musulman, une douzaine d'États ayant même décrété la loi coranique, tandis que le Sud est chrétien et parfois animiste. Toutefois, et c'était la conclusion de M. X dans son premier entretien consacré au Nigeria, il faut se garder de qualifier les derniers massacres du mois de mars de conflits strictement religieux. La possession de la terre, la lutte pour le pouvoir et les rivalités ethniques sont en réalité les véritables ferments de ces confrontations sanglantes. Enfin, il y a le pétrole, principale richesse du pays et source de toutes les convoitises. Le pétrole qui fait aujourd'hui du vaste delta du Niger une zone de guerre qui inquiète tous les voisins du Nigeria et même les économies occidentales qui redoutent de voir cette indispensable ressource pétrolière s'assécher. Dans un instant, les faits et les enjeux avec M. X. Fuji Music, I'm still singing. Fuji Music. avoir dit un mot la semaine dernière. Le Nigeria a vécu sans chef de l'État pendant plusieurs mois. Et bien, maintenant, il y en a deux. Ça, c'est pas ordinaire, hein. Alors, l'explication ? Le président en exercice, Yar Adua, est tombé gravement malade à la fin 2009. Un problème cardiaque. Son état a même été jugé si alarmant que son évacuation sanitaire vers l'Arabie Saoudite a été décidée. L'Arabie Saoudite est musulman ? Oui, c'est un homme du Nord. À la suite de ce départ, on a été sans nouvelles du président pendant de longues semaines, à tel point qu'on s'est même demandé s'il n'était pas mort. C'était d'autant plus inquiétant que le Nigeria, comme je vous l'ai dit, traverse plusieurs crises très préoccupantes. Aussi, devant cette vacance du pouvoir, les députés ont-ils décidé de nommer le vice-président président par intérim. Et qui est celui-là, hein ? Goodluck Jonathan. Bonne chance, Jonathan. Prénom prédestiné pour faire carrière, non ? Quoi qu'il en soit, ce sudiste chrétien s'est empressé d'endosser les habits présidentiels. Et après quelques jours de flottement, il a pris les choses en main, dissout le gouvernement et s'est installé au palais. Oui, mais le président Yar Adua est revenu. Et fin février, oui. Mais dans quel état de santé se trouve-t-il ? Nul ne le sait, car son entourage, sa femme surtout, ne permet pas qu'on l'approche. Un président invisible. Oui, c'est à peu près ça. Toutefois, tant qu'il est vivant, il demeure le chef de l'État, tandis que de son côté, Jonathan n'entend pas renoncer au pouvoir qui lui ont été confiés par l'Assemblée nationale. Alors, c'est pourquoi le Nigeria est aujourd'hui nanti de deux présidents. Deux hommes, en outre, qui sont logés tous les deux au palais présidentiel. Ah ben ça, c'est une authentique cohabitation. Ah oui, mais une cohabitation difficile, car leurs clans respectifs se déchirent et tirent à hue et à dia. Et puis, il y a donc le fait que l'un est un chrétien du Sud. Tandis que l'autre est un musulman du Nord, oui. À eux deux, Jonathan et Yar Adua symbolisent donc la division d'un pays. Ça va même si loin que le président par intérim craint pour sa vie et qu'il ne se déplace plus que derrière une haie de gorilles issus de son ethnie, bien sûr. Et si ça continue, il faut s'attendre à ce que l'armée qui n'a cessé d'intervenir dans les affaires politiques du pays ne se pose un jour ou l'autre en arbitre. Encore un putsch, quoi. Un de plus, pourquoi pas. Après tout, il n'y a que 10 ans que les militaires sont rentrés dans leur caserne. Un repli tout à fait apparent, car les généraux affairistes sont toujours bien présents et aussi rapaces. Mais il faut dire que le magot est d'importance. 100 milliards de recettes annuelles. Il est revenu du pétrole. Oui, même si la production a chuté en raison des événements dont nous allons parler, ça mérite qu'on s'y intéresse. Et les généraux ne sont pas les derniers. Bien qu'ils ne soient plus au pouvoir, ils ont profité des années de dictature pour s'infiltrer dans de nombreux secteurs de l'économie. La distribution, l'import-export, la construction, la banque, le transport maritime. Ça, c'est l'affaire des officiers de marine. Et bien sûr, le pétrole. Même l'agriculture n'a pas échappé à leurs appétits. Ouais. Mais quand même, c'est surtout le pétrole qui attire leur convoitise. Forcément, puisque c'est la plus grande richesse du pays. Et au fil des ans, les généraux ont réussi à s'imposer dans les conseils d'administration des filiales, des multinationales qui opèrent au Nigeria. En outre, certains d'entre eux, actifs ou à la retraite, ont participé à la création de petites compagnies locales et obtenu, sans aucune difficulté, des licences d'exploitation. Il faudra aussi parler du rôle des militaires dans le détournement des cargaisons de pétrole, des centaines de milliers de barils. Certains mois, on a même estimé que ces vols représentaient un quart de la production du pays. Mais c'est énorme, ça. Mais c'est une sorte de sport national au Nigeria. Un sport très dangereux, nous allons voir ça de plus près. Auparavant, quelques données sur la richesse en hydrocarbures du pays. Dans la région, essentiellement, du delta du Niger. Tout à fait. Mais il y a aussi des ressources offshore, encore plus importantes. Et le gaz, dont le Nigeria possède les plus grandes réserves du continent. Le pays a longtemps été le premier producteur africain de pétrole. C'est aussi le premier fournisseur de la Chine et les États-Unis lui achètent au moins 10% du pétrole dont ils ont besoin. Oui, les États-Unis qui voudraient bien, on en a déjà parlé, s'affranchir de leur dépendance vis-à-vis du pétrole du Moyen-Orient. Bien évidemment. Et puis ça coûte moins cher de transporter du pétrole à partir des côtes africaines. Donc le Nigeria est un géant du pétrole. Le pétrole qui assure 90% des exportations du pays. Mais à côté de cette richesse, il faut tout de suite opposer un autre chiffre. Les 2/3 des Nigérians vivent avec moins de 1 dollar par jour et l'espérance de vie ne dépasse pas 44 ans. C'est dire que les injustices sociales sont criantes et qu'elles expliquent beaucoup plus que les divisions ethniques ou religieuses la violence latente qui existe dans ce pays. Ouais, le pays africain le plus peuplé, il faut le rappeler. Et où la population pauvre s'agglutine de plus en plus dans des bidonvilles qui grandissent de façon monstrueuse. La capitale économique, Lagos, rassemble aujourd'hui plus de 15 millions d'habitants. Ça veut dire alors que la richesse du sous-sol n'a donc pas du tout profité à la majorité des Nigérians. Ah, bien au contraire. Elle a contribué à les appauvrir et même à les obliger à vivre dans un environnement terriblement pollué. Mais là, vous parlez de la situation spécifique du delta du Niger. Oui, une vaste région qui cumule tous les maux. La pollution, je viens de vous le dire, les rivalités ethniques entre les Igbo, l'ethnie dominante du sud-est du pays et les Ijaw, une tribu côtière qui collaborait autrefois avec les marchands d'esclaves et raflait les futurs esclaves dans les tribus de l'intérieur. Ouais, et puis un passé qui a laissé des traces, mais vous dites. Oui, et puis il y a la violence, car peu à peu, c'est une vraie guerre qui sévit dans le delta. À cause du pétrole ? Car tous, même s'ils se trouvent loin des champs pétroliers, voudraient recevoir leur part de la manne pétrolière, de la merde du diable, comme disent les habitants du delta. L'expression est imagée, mais elle correspond à la réalité. Ce territoire marécageux, sillonné de rivières, de canaux et de mangroves, est aujourd'hui souillé par les fuites de pétrole brut. Des fuites dans les installations ? Bien sûr. Et à cela s'ajoute ce qu'on appelle là-bas le bunkering, c'est-à-dire le siphonnage des oléoducs par la population. Une opération très dangereuse, car le pétrole qui circule dans les tuyaux est sous pression. Et régulièrement, des explosions meurtrières se produisent et tuent des dizaines de villageois. Il faut ajouter à ce désastre écologique permanent la pollution causée par les centaines de torchères qui brûlent nuit et jour. Oui, elles brûlent le gaz qui s'échappe lors de l'extraction du pétrole. Oui, et ce torchage, comme disent les spécialistes, est un véritable scandale. Car outre la pollution aérienne qu'il entraîne, il s'agit aussi d'un formidable gâchis. Oui, parce que ce gaz pourrait être récupéré. Et servir, effectivement, à produire de l'électricité, dans des centrales, par exemple. Surtout dans un pays où la pénurie d'électricité est chronique. Songez que tous les jours, on brûle 70 millions de mètres cubes de gaz dans le delta. Mais les multinationales qui exploitent les puits de pétrole s'en moquent, comme elles se moquent des injonctions du gouvernement fédéral. En principe, le torchage est interdit depuis le milieu des années 80. Oui, mais parce que vous me dites, là, les compagnies n'en tiennent pas compte. Et le pouvoir est impuissant à faire appliquer ses propres directives. Mais en a-t-il la volonté ? Ah, ça, c'est autre chose. Et étant donné l'implication des généraux dans l'industrie pétrolière, on peut effectivement en douter. En attendant un éventuel arrêt du torchage, les habitants du delta continuent donc à vivre un véritable cauchemar écologiste, ce qui ne semble guère préoccuper les multinationales du pétrole. Et ces villageois ne peuvent même plus exercer leur métier de toujours, la pêche, en raison de la pollution de ces eaux autrefois très poissonneuses. Dans ces conditions, il était presque inévitable qu'on assiste à la montée de la violence et même à la naissance de mouvements sécessionnistes. Rendez-vous avec X. Brève radiographie de la situation au Nigeria. Je l'ai trouvé sous la plume de l'un des meilleurs spécialistes du pays, Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Voici ce qu'il écrit dans la revue de Sciences Po « Cultures et conflits » de juillet 2004. Sous la pression sociale, la corruption, en tant que mode de redistribution des richesses, n'est certainement pas qu'une affaire d'enrichissement personnel. Elle entretient de vastes réseaux de pouvoir et traverse tous les pans de la société, ce qui légitime et assure la solidité de l'ensemble de l'édifice. Dans le cadre d'une économie de la rente et de l'extraction, pour ne pas dire de la prédation, le boom pétrolier des années 70 a beaucoup facilité la prévarication à cet égard. L'argent facile de l'or noir a déstructuré la société nigériane, excité les convoitises, enflammé le banditisme armé, précipité l'évasion des capitaux et dénaturé une économie productive qui, à l'indépendance, reposait essentiellement sur l'agriculture. La première vraie secousse qu'a connue la région, c'est la guerre du Biafra à la fin des années 60. Bon, je n'y reviens pas puisque j'ai évoqué ce sujet la semaine passée. Je rappelle simplement que c'est déjà la question du pétrole qui est à l'origine de ce conflit qui a provoqué la mort d'un million de Nigérians. Et si la France a volé au secours des Biafra, bon, c'était surtout parce que la compagnie Elf voulait avoir sa part du gâteau pétrolier. Tout à fait. La deuxième guerre, elle, a éclaté dans les années 90. Et elle a essentiellement opposé l'ethnie Ogoni au pouvoir militaire nigérian et à la compagnie Shell. Et notez bien qu'elle s'est déroulée sur les mêmes territoires qui avaient déjà été les enjeux de la guerre du Biafra. Expliquez-moi. Les Ogoni, qui regroupent un demi-million d'individus, sont installés sur un territoire du delta d'une superficie d'un millier de kilomètres carrés, où se trouve le tiers des gisements pétroliers onshore du Nigeria. Les Ogoni, qui avaient déjà payé un lourd tribut à la guerre du Biafra, un dixième d'entre eux ont péri, pouvaient à juste titre penser tirer un bénéfice de cette exploitation pétrolière qui avait lieu chez eux. C'est logique. Ouais, d'autant qu'ils étaient les premiers à souffrir de la pollution engendrée par cette activité. Bref, ils ne pouvaient espérer que l'état de Rivers où ils vivaient deviendrait une sorte de Koweït africain. Mais ça n'a pas été le cas. Ah bah, bien au contraire. À la pollution qui a ruiné les fermiers et les pêcheurs, s'est ajoutée une véritable spoliation. Au début des années 60, il leur était alloué 50% des revenus pétroliers. Cette part est tombée à 1,5% sous la dictature du général Babangida. Dans les années 80, ça. Alors, et ben, où allait l'argent? Ah ben, dans les caisses du pouvoir fédéral qui édifiait à grands frais une nouvelle capitale, Abuja, dans le centre du pays. Et bien sûr, dans la poche des généraux. Et pendant ce temps-là, le pays Ogoni subissait la pollution et croupissait dans le sous-développement. Pas de route, pas d'eau courante, ni d'électricité, pas d'école et un médecin pour 50 000 habitants. Alors cette injustice a conduit les Ogoni à se révolter? Ah bah, presque obligatoirement. Dès la fin des années 80, on voit naître les premières revendications dirigées à la fois contre le pouvoir fédéral et les compagnies pétrolières, principalement la toute-puissante Shell. Et en 1990, une poignée d'intellectuels Ogoni crée le MOSOP, le Mouvement pour la survie du peuple Ogoni. Ses leaders dénoncent tout à la fois l'injustice du partage de la rente pétrolière, la dégradation de l'environnement et la tutelle écrasante du pouvoir fédéral. Et le MOSOP demande des compensations financières. Bien, quoi, pour sortir du sous-développement. Et comment se manifeste concrètement ce mouvement d'opposition? Le MOSOP se veut non-violent et récuse toute idée d'indépendance. Cependant, tout au long de cette première moitié de la décennie 90, le mouvement se structure et s'étoffe. Il devient même une authentique organisation de masse qui peut mobiliser, en 1993, à l'occasion d'une marche pacifique, entre 150 et 200 000 personnes. Le chef du MOSOP est alors un écrivain populaire et très charismatique, Ken Sarawiwa, le Gandhi nigérian, ainsi qu'on le nommera. En même temps, le mouvement noue des relations avec les représentants d'autres ethnies installées, elles aussi, dans les régions pétrolières. Et comment réagit le pouvoir fédéral? Au début, il est relativement désarçonné. Parce que maintenant, le MOSOP dispose aussi de relais à l'étranger, particulièrement dans la sphère écologiste et tiers-mondiste. Et c'est une véritable croisade qu'il conduit contre la Shell et les autres compagnies. Mais progressivement, le régime nigérian fait en sorte de discréditer le mouvement. Et il va être aidé indirectement par les franges les plus dures du MOSOP, qui passent outre le pacifisme affiché par ses leaders. Alors ceux-là en viennent à l'action violente. Oui, des oléoducs sont sabotés, des installations sont mitraillées, des employés des compagnies sont même agressés. Et ça prend une telle ampleur que la Shell menace d'arrêter la production. Ça, c'est un avertissement lancé directement au gouvernement nigérian. Naturellement, parce que l'État fédéral ne peut pas se passer de la rente pétrolière. Et le nouveau président, le féroce général Abacha, ne va pas tarder à passer à l'action en prenant en prétexte de ces actions violentes perpétrées par les militants les plus radicaux du Mossop. Mmh. Résultat ? Répression, tous azimuts. L'armée quadrille le pays aux guenilles et le régime promulgue un décret punissant de la peine de mort tout citoyen menaçant l'unité du pays. Et ce dont on accuse, sans doute à tort, les militants du Mossop. Bien sûr. Mmh. Enfin, et c'est beaucoup plus machiavélique, la dictature fait en sorte de susciter des troubles ethniques entre les Ogonis et leurs voisins. Des voisins qui, comme par hasard, se trouvent être en possession d'armes modernes et redoutablement efficaces. Mmh, ouais. Fournies par le pouvoir. Ça semble évident. Il n'est pas impossible non plus que la Shell ait contribué au moins financièrement à équiper ses hommes. En tout cas, au printemps 1994, le régime militaire franchit un nouveau pas. Ken Saro-Wiwa et plusieurs de ses compagnons sont arrêtés, tandis que la troupe se livre à une véritable campagne de terreur en pays Ogoni. Pillages, viols et exécutions sommaires ou extrajudiciaires, comme on les appelle les gamins. Au fond, c'est comment dire, l'ordinaire d'une armée à qui l'on confie des tâches répressives. Ouais, mais le dictateur Abacha va encore plus loin. Il ordonne la mise en jugement de Saro-Wiwa et des siens. Et au terme d'un procès inique, l'écrivain et 8 de ses compagnons sont condamnés à mort et exécutés en novembre 1995, alors même que dans le monde entier, de nombreuses voix s'étaient élevées pour demander leur grâce. Et si je me souviens bien, le Nigeria a été au moins pour un temps mis au banc des nations. Toutefois, Abacha, malgré son inflexibilité, n'a pas réussi à réduire l'opposition des Ogonis, car désormais, ces derniers avaient leur martyr. Ouais. Donc le dictateur n'a pas rétabli la paix dans la région du Delta hein. Ah, bien au contraire, car on va voir se développer de nombreux conflits interethniques toujours plus meurtriers. En 1996, pour ne citer que cette année-là, on compte 500 morts. Mais on observe aussi des actions de plus en plus déterminées contre les compagnies pétrolières. En mars 1997, plus d'une centaine d'employés de la Shell sont capturés par des militants Ijo. Ils seront toutefois assez rapidement libérés. Et ça recommencera en juillet 2000. 165 autres employés de la même compagnie seront à leur tour enlevés et détenus pendant un mois. Mais c'est symptomatique, parce que les habitants du Delta, toutes ethnies confondues, reprochent aussi aux compagnies de n'employer qu'une minorité de travailleurs locaux. Mmh. Mais attendez, un an plus tôt, là, les civils sont revenus au pouvoir, hein, à l'occasion de la mort mystérieuse et soudaine du dictateur Abacha. Qu'est-ce que ça change ? Le nouveau président Obasanjo lâche un peu de lest. Il consent, par exemple, à élever de 1 à 12% les revenus pétroliers attribués aux différents États de la Fédération. Dont ceux du Delta, par conséquent. Ça ne suffit pas à calmer l'agitation. D'autant plus qu'on va assister à l'éclosion d'un phénomène nouveau, la création de milices armées. Ainsi que va s'ouvrir au début de notre troisième millénaire une nouvelle guerre du Delta. Et qui dure toujours. Exactement. Mais ces milices-là, que sont-elles ? Au départ, ce ne sont que des groupes d'autodéfense initiés par les habitants exaspérés par cette violence latente qui règne dans la région et qui est essentiellement le fruit de la pauvreté et du chômage. Mais ces groupes armés peuvent aussi protéger les villageois contre les exactions de l'armée ou des hommes de main des compagnies pétrolières. Toutefois, ces milices vont assez rapidement se transformer. Et si certaines deviennent purement et simplement des bandes armées qui se livrent au pillage ou aux raquettes, d'autres se politisent et reprennent à leur compte revendications politiques et économiques. Contre l'État fédéral. Et les multinationales du pétrole, oui. Ça va être le cas de la principale d'entre elles, qui va donner naissance au MEND, c'est-à-dire le Mouvement pour l'émancipation du Delta du Niger. Une organisation armée qui fait beaucoup parler d'elle ces dernières années. Mais avant de voir plus précisément ce qu'est ce MEND, un mot sur le pillage systématique qui affecte gravement la production pétrolière du Delta. Dans une proportion telle que le Nigeria n'est plus le premier producteur africain de pétrole. L'Angola lui a ravi cette place. Ah oui. Mais quelles sont les modalités de ce pillage là ? D'abord, il faut dire qu'il est souvent difficile de déterminer ce qui ressort de l'action proprement politique, de ce qu'il faut bien appeler le banditisme, et même parfois le simple vandalisme quand il s'agit de s'en prendre aux installations pétrolières. Et de les détruire. Ouais. Une vengeance peut-être exercée contre ces compagnies qui polluent la région. Hein. Et puis je vous le disais, il y a les siphonnages d'oléoducs, ce bunkering qui peut, à l'occasion, être terriblement meurtrier. Mais ça, si je puis dire, c'est de l'artisanat, car le pillage peut aussi prendre des formes beaucoup plus sophistiquées quand il est le fait de bandes parfaitement structurées. Par exemple, le pétrole siphonné en grande quantité dans les oléoducs est chargé dans des petites barges, puis il est ensuite transvasé dans des bâtiments plus importants, des petits tankers qui prennent la mer et rejoignent ensuite des raffineries du Cameroun ou de la Côte d'Ivoire. Mais bien entendu, pour opérer ainsi, il faut disposer de nombreuses complicités, et parfois au plus haut niveau. France Inter, rendez-vous avec X. Xavier Harel est l'auteur d'un remarquable ouvrage, Afrique, pillage à huis clos. Un livre paru chez Fayard en 2006. J'y ai trouvé l'anecdote suivante, je cite. La disparition à la fin 2004 de l'African Pride, un tanker de 12 000 tonnes, illustre l'ampleur de la corruption au Nigeria. Tout commence en octobre 2003. Lorsque la marine nigériane arraisonne le navire au large du delta. À son bord, 80 000 tonnes de pétrole volé d'une valeur de 3 millions de dollars. La pièce à conviction, longue comme un terrain de football, est remorquée jusqu'au port de Lagos. Alors que les 13 membres de l'équipage, tous russes, attendent derrière les verrous d'être jugés, le tanker disparaît mystérieusement entre le 6 et le 8 août 2004. L'unique soldat chargé de surveiller le navire explique qu'il a fini par quitter son poste après 3 semaines passées sans nouvelles de son supérieur. 2 amiraux ont été sanctionnés. Les marins russes ont été libérés en septembre 2005 sous la pression de Moscou, mais l'African Pride n'a jamais été retrouvé. Quand, à propos de ces vols organisés, là, vous parliez de complicité au plus haut niveau, bah, à qui pensiez-vous ? Bah, il est certain que des officiers de l'armée nigériane sont impliqués dans le trafic. Et sans doute aussi des fonctionnaires qui ferment les yeux, et peut-être même des gouverneurs de certains états du Delta. Bah, je reviens à ce que je disais précédemment. La distinction difficile entre banditisme et activisme politique. Je vous explique. Au début des années 2000, apparaît un nouveau mouvement au sein de l'ethnie Ijaw. Ijaw, vous avez déjà évoqué cette ethnie-là. Où sont-ils principalement implantés, ces Ijaw-là? Je vous ai dit que c'était une tribu côtière, Et on les trouve pratiquement dans tous les États du littoral. C'est-à-dire dans tous les États pétroliers. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, le président Jonathan est un Ijaw. Donc ce mouvement, le Conseil de la jeunesse Ijaw, se veut d'emblée radical. Il exige le retrait de l'armée nigériane du Delta, mais aussi des compagnies pétrolières. En outre, il revendique l'autonomie de la région. Donc un programme politique. Mais il a aussi une composante armée, la force volontaire du peuple du Delta. Et cette organisation rebelle annonce sa volonté de lancer une guerre totale contre l'État fantoche du Nigeria. Et pour reprendre une célèbre apostrophe, là, combien de divisions ? Eh bien, son chef, un certain Asari, affirme disposer de 2000 hommes en armes. Ah, une vraie menace, alors. Et les propos de ce personnage qui se réclame autant de Ben Laden que de Mandela. Drôle le mélange, non ? Certes, en tout cas, ces propos font mouche. Les compagnies pétrolières prennent peur. Plusieurs sites de production ferment et le prix du baril s'envole à la hausse. Cependant, Asari est concurrencé sur son propre terrain. Une organisation armée rivale, les groupes d'autodéfense du Delta, lui taillent des croupières. Et quel est l'enjeu, hein ? Le contrôle du trafic de pétrole, bien sûr. En tout cas, les deux milices en viennent bientôt à s'affronter sur le terrain, jusque dans la ville de Port Harcourt, siège des principales compagnies pétrolières. Les combats à coups de fusils mitrailleurs sont si violents que les multinationales évacuent leur personnel et que l'armée nigériane doit intervenir pour mettre fin à ce conflit qui provoque des dizaines, peut-être même des centaines de morts. Et comment ça se termine ? Ah bah dans le bureau du président Obasanjo, qui tente de mettre fin à cette guerre fratricide. Mais le pouvoir fédéral n'en a pas fini pour autant avec les Ijaw. Car peu après, en janvier 2006, on assiste à la création de cette organisation armée que je vous annonçais, le MIND. Ouais. Mais attends, le MIND, quelle différence avec les autres milices ? Ah bah le MIND se veut encore plus radical. Et dans son premier communiqué, il affirme vouloir détruire entièrement la capacité d'exportation de pétrole du gouvernement fédéral. Ça, c'est une vraie déclaration de guerre, alors. Absolument. Il est vrai qu'avec l'apparition du MIND, un degré supplémentaire est franchi, parce qu'on se trouve en face d'une organisation armée très efficace. Le MIND fonctionne un peu comme Al-Qaïda, c'est-à-dire que ses structures sont très souples et peu hiérarchisées. Pour échapper à la répression. Et à l'image d'Al-Qaïda, c'est une nébuleuse dont peuvent se revendiquer des groupes armés qui ne sont pas directement liés au MIND. Autre particularité, ces hommes sont très aguerris et disposent de matériel moderne, comme par exemple des bateaux, très rapides. Ouais, et l'argent ? Bon, il provient naturellement du trafic de pétrole, de sa contrebande et du racket. Des sommes substantielles qui sont suffisantes pour lui permettre de s'équiper et d'acheter ses embarcations, grâce auxquelles les militants du MIND échappent aux forces armées nigérianes, mais peuvent aussi attaquer les installations offshore. Ouais, ouais. Les plateformes situées en pleine mer. Oui, oui, les grandes compagnies pétrolières comme Total ont développé l'exploitation offshore en pensant être ainsi protégées contre les attaques des pirates. Mais désormais, ces structures ne sont plus à l'abri. Mmh. Et concrètement, alors, comment le mouvement agit-il ? Depuis sa création, le MIND multiplie les actions. Sabotage de pipelines, siphonnage de ces mêmes tuyaux, vol de cargaison, attentats à la bombe contre les installations pétrolières et kidnapping d'employés ou d'expatriés. Une activité très lucrative. Ouais, bah, j'imagine à cause des rançons payées par les multinationales. Évidemment, et ouais. S'y ajoutent aujourd'hui des attentats à la voiture piégée et assez récemment une attaque réussie contre un hélicoptère d'une compagnie. Et c'est très grave. Car c'est la voie des airs qui est utilisée par les compagnies pour transporter leur personnel sur les plateformes offshore. Mais ça, c'est encore c'est une menace supplémentaire. Et la conséquence la plus visible, outre le fait que la production de pétrole du Nigeria a diminué de façon considérable, une diminution d'ailleurs qui inquiète les principaux clients dans les États-Unis et la Chine, c'est que les principales compagnies ont augmenté leur budget consacré à la sécurité. Des experts ont même calculé que ces dépenses supplémentaires représente aujourd'hui plus de 3 milliards de dollars par an. Bah écoutez, c'est une aubaine pour les entreprises spécialisées. Ces spécialistes de l'américain Kroll ou le français Geos gagnent donc beaucoup d'argent au Nigeria. Mmh, indirectement, grâce au MIND. Oui, enfin, on peut voir les choses comme ça. Ah oui. Est-ce qu'on arrive ici, comme ailleurs, à une sorte de privatisation de la guerre ? Bah, on n'en est pas loin. Car les gardes armés, qui sont censés protéger les installations pétrolières et les employés des compagnies, apparaissent aussi de fait comme des supplétifs de l'armée nigériane. C'est d'autant plus vrai que les forces officielles ne brillent guère par leur efficacité. Et la tentation est grande pour ces sociétés de sécurité de se substituer à l'armée gouvernementale. Mais en tout cas, pour l'instant, le pouvoir a refusé les offres qui lui étaient faites. Pour combien de temps ? Ah ben ça, je ne sais pas. Mais on a aussi évoqué un projet d'internationalisation, une sorte de mutualisation des forces armées de la région du Golfe de Guinée. Des troupes qui seraient entraînées par les Américains. Mais ce projet initié par le président Obasanjo, lorsqu'il était encore au pouvoir, n'a toujours pas été accepté par ses voisins. Et il me paraît douteux qu'il aboutisse tant les intérêts des uns et des autres divergent. Il ne doit pas déplaire à l'Angola, mais ce n'est qu'un exemple, d'avoir pris la première place de premier pays africain producteur de pétrole. Alors pourquoi viendrait-il en aide au Nigeria ? Oui, c'est sans doute ce qu'on se dit à Luanda. Non, pour qu'on assiste à la création de ce contingent interafricain, il faudrait, ce qui est toujours possible, que le feu se propage dans tout le golfe de Guinée. Mais le Maine n'en est pas encore là. Mais au fond, quel est le véritable objectif poursuivi par cette organisation rebelle ? Fondamentalement, je crois qu'il s'agit d'aboutir à un chaos tel que les compagnies pétrolières occidentales seront obligées de céder et de respecter à la fois les populations et l'environnement. Mais bon, je vous le laisse entendre depuis le début. L'aspect purement lucratif et donc criminel n'est pas exclu. Car toutes ces centaines de milliers de barils de pétrole qui sont pillés chaque année, elles ne sont pas perdues pour tout le monde. Eh oui, mais qui en profite, quoi ? Les chefs du Mende, là ? Ces mystérieux personnages qui se gardent bien d'apparaître publiquement ? Certainement. Mais aussi certains responsables politiques locaux et tous ces militaires corrompus qui sont aux commandes depuis si longtemps et profitent aujourd'hui de la vacance du pouvoir depuis la détérioration de l'état de santé du président Yar'Adua. Mais alors, le pouvoir, justement, là, face à cette aggravation de la situation dans le Delta, qu'a-t-il fait, à part envoyer son armée ? Une armée inefficace, je vous l'ai dit, et qui s'est surtout signalée par la brutalité de son action. Alors, il a aussi été tenté des approches plus politiques. Yar'Adua, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2007, a essayé de mettre en place un sommet réunissant toutes les parties impliquées dans le conflit du Delta. Mais le Mende a refusé d'y participer. D'autre part, on peut se demander si le pouvoir avait réellement la volonté d'aboutir, car l'homme chargé de l'organisation de cette réunion avait été l'un des principaux accusateurs lors du procès des dirigeants du Mossop. Ah, il était donc aussi responsable de l'exécution de Xaro Uiva et de ses compagnons. C'est juste. Donc ça n'était pas le meilleur négociateur possible. Ça, c'est juste. Autre initiative, en septembre 2008, le gouvernement a créé une nouvelle structure, un comité technique chargé de lui faire des propositions visant à régler cette délicate question. Et effectivement, ce comité a émis plusieurs recommandations, comme par exemple une augmentation substantielle de 13 à 25% de la part des revenus pétroliers revenant aux États producteurs, un arrêt définitif du torchage et l'amnistie pour les rebelles. Ça allait plutôt dans le bon sens, tout ça. Ça n'a pas été jugé suffisant par les contestataires qui réclament au moins 50% du gâteau pétrolier. Une revendication repoussée également par les États du Nord qui ne sont pas producteurs, mais réclament aussi leur part. Alors c'est l'impasse. Et ce n'est pas la récente création d'un ministère du Delta qui sera en mesure de résoudre la crise. Une crise qui ne cesse de s'aggraver. Car on assiste non seulement dans le Delta, mais dans d'autres régions du Nigeria, à l'émergence de nouvelles milices armées. C'est donc l'accroissement du désordre. Et si vous voulez mon avis, ça n'est pas innocent. Qu'insinuez-vous là ? Si des populations nigérianes paient le prix fort de ces conflits meurtriers, il semble bien que les milieux d'affaires et les corrompus continuent de bien se porter. Le secteur bancaire en particulier ne souffre nullement de ces troubles permanents. Il fait même l'objet d'éloges de la part de ces agences de notation qui régissent la finance internationale. Pendant les tueries, les affaires continuent. Mais on n'a jamais autant vendu de billets d'avion de première classe entre l'Europe et Lagos. Un signe qui ne trompe guère. Quelques livres pour terminer. D'abord une revue, le numéro 134 de la revue Hérodote, paru au troisième trimestre 2009, sur les pillages et la piraterie, avec notamment l'article éclairant de Benjamin Auger. Afrique noire, poudre blanche, l'Afrique sous la coupe des cartels de la drogue, de Christophe Champin, où il est question notamment du Nigeria, chez André Versailles éditeur. Pétrole brut, Enquête mondiale sur une richesse destructrice de Peter Mas chez Autrement. Et enfin, Les mondes rebelles et nouveaux mondes rebelles de Jean-Marc Balanci et Arnaud Delagrange chez Michalon. À samedi prochain, je vous rappelle que vous pourrez communiquer avec nous sur franceinter.com et même réécouter ce programme. Et comme d'habitude, merci à Valérie Ayestaraï, Michel Billoux, Rebecca de Nantes et Monsieur Djoub. Tout de suite après le flash, c'est Au Dieu mon amour de Denis Chessou.